Ricky Lumbu, continue d'assumer. Na présent Pacheli Lokola, Yoka Petit Poisson, Aoutina Maïa. Le spécial Jean-Dominique Okemba, Général Dabira, Général Dengue, Tara Brito OVSD et Makwango. Onze duka itoma, baponi yo na zambe, zambe atombe liyo, bolonga ni beti, bokati sazale, na boato yo na ye, baluki kaise bino, mi bale yo na ye. Krisan le sakweno, Top Congo. Onze duka imbonge, ekolengi sabino, mona mama ye lima, akokengele bino, na mona noto na motio, bokoko mane tonga. Attends, boutoué, ou mêlis, un bacotani, sa tongo. Roger Bokilo, papa na foxy. Onze duka y tambola, na kai sale longo. Mokili zamba kela, mosala soba ezate. Motonde yakoma, lole no pebo lole. Elanga yolonite, kobeta tolote. African shop, chez mami et papi pongo. Onze duka y keba, na mobeko yazambe. Moke ata osui, pesa zambe oyaye. Ako zongi swe bele, ako tondi se kolon. E kolon mosu sunde, batwa mite mamabe. Bako tondi sa yango, nyoka e suwayo. Oyo ako suwayo, oko e bate oze. Noko ndele 40 ans. Onze duka ikeba, na mobeko ya zambe. Moke ata osui, pesa zambe oyaye. Ako zongi swe bele, ako tondi se kolon. E kolon mosu sunde, batwa mite mamabe. Bako tondi sa yango, nyoka e suwayo. Oyo ako suwayo, oko e bate oze. Tonton Benoit, Claude Mongo Sokoto, Alain Mavinga, Bertin Mapaka. Onze duka itoma, baponi yo na zambe. Zambe atombe liyo, bolonga ni beti. Bokati sazale, na boato yo na ye. Baluki kaise bino, mi bale yo na ye. Dios mena, de Gol Mulumba, Mijal. Onze duka ikeba, na mobeko ya zambe. Moke ata osui, pesa zambe o ya ye. Ako zongi swe bele, ako tondi se kolon. E kolon mosu sunde, batwa mite mamabe. Bako tondi sa yango, nyoka e suwayo. Oyo ako suwayo, oko e bate oze. Isai je merci, papi Moussoli na Iran. Lucas Foto, le meilleur de Roussel. Dodo Lukanu, Dindon Dombasi. Bandale lona pokwa toki tisi mitema. Onze duka inabeti bako kisi mokano na miswa zambe. Espace Fenyon. Motoyo akolo bako kiko kabola. Onze duka inabeti abota mina nute akobota mapete. Norbert Bukilo. Beti oza fololo. Onze duka eloni na moto na ye ambeto. Abate la yo, butu pe na moi. Freddy Mwela, Lolo Ameso. Ave mama Beti, otoni kitoko lolenge na yo yanzoto. Etombo lilo kumu ya bafam kongolez. Yabo Paul Masamina. Vebi soto sali, bosi bovandi elongo. Bosi bana makasi, le respond de vos jours sur cette terre des humains. Jean-Sébastien Massala. Frères humains qui après nous vivaient dans ce monde. Nous voulons cette chanson comme une balade d'un amour pluriel. Oh, Blaise Elenga. Motoyo akoloba, koki kokabola. Onze duka inabeti, abota mina nute, akobota mapete. Denga na braza. Frères humains qui après nous vivaient dans ce monde. Nous voulons cette chanson comme une balade d'un amour pluriel. Gabizus na mavon na braza. José Loris.